Selon le journal d'internet sud-coréen Tonglius, le corps ecclésiastique chrétien pour l'action pacifique, la solidarité coréenne pour la réunification indépendante et la démocratie et autres organisations, inscrits religieux et hommes littéraires, ont tenu le 25 à Séoul une conférence de presse pour réclamer le renvoi de nos citoyennes emmiolées et kidnappées lâchement par les autorités sud-coréennes. Les orateurs ont dénoncé que 12 filles nord-coréennes ont été kidnappées et qu'il y a même le bruit de certaines morts, mais il n'y a même pas la mesure d'enquête, et exigé des institutions onusiennes d'éclaircir les dessous de l'affaire et d'œuvrer pour le renvoi en or des jeunes filles.